السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous continuons notre lecture du commentaire de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, des six fondements, les six principes fondamentaux écrits par le noble cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Nous avions eu l'occasion de lire les cinq premiers principes fondamentaux, et nous en arrivons à présent donc au sixième et dernier, qui concerne un point très important. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous aider, et de nous faciliter à accomplir ce qu'il aide, ce qu'il aime et agrée. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. Le sixième fondement, lever l'ambiguïté que Satan a introduite dans l'esprit des gens, consistant à renoncer à l'étude du Coran et de la Sunnah et à agir en conséquence pour se conformer aux diverses opinions et aux passions, source de division, sous prétexte que le Coran et la Sunnah ne peuvent être connus que de celui qui est capable d'un effort d'interprétation. Al-Mujtahid al-Mutlaq. Al-Mujtahid al-Mutlaq, donc c'est le savant qui est capable d'un effort d'interprétation, on va dire absolu. Et on va avoir l'occasion de voir, Inch'Allah, que les savants aptes à fournir des efforts d'interprétation, ils sont de divers niveaux. Et qui possède telle et telle qualité, qui ne se trouve même pas de façon parfaite, chez Abu Bakr et Omar. Et selon eux, quiconque ne possède pas ces qualités doit obligatoirement se détourner de ces deux sources, jusqu'à ce que doute et ambiguïté soient levés. Naam, c'est comme ça que le frère traducteur, jazahullahu khayra, a jugé bon de traduire ce passage. Et ce qui me paraît être le plus fidèle au propos de l'auteur, rahimahullah, ce serait de dire, et selon eux, quiconque ne possède pas ces qualités doit obligatoirement et sans aucun doute ni ambiguïté, se détourner de ces deux sources. Quant à celui qui cherche à être guidé à travers ces deux sources, il est considéré soit comme un zindiq, soit comme un fou. Le zindiq, c'est l'hérétique, comme on l'avait vu précédemment. Soit comme un fou, sous prétexte qu'elle serait trop difficile à comprendre. Pureté et louange à Allah. Pourtant, Allah a réfuté de diverses manières, dans les textes scriptuaires, à travers ses décrets, dans sa création, et par le biais de ses commandements, cette shubha maudite. Shubha, c'est-à-dire une ambiguïté. On va aborder, inshallah, le sens du mot shubha. Au point qu'elle fait partie des choses que chaque musulman est tenu de connaître. Pourtant, la plupart des gens ne la connaissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, jusqu'à leur menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée, muqmahoun. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux dans l'intimité. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Ainsi s'achève cet ouvrage. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges d'Allah et ses nombreuses salutations soient sur notre maître, Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour de la rétribution. Naam. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a abordé ce sixième et dernier fondement, ce sixième et dernier principe fondamental parmi les principes fondamentaux qu'il a abordés dans ce livre, qui, malgré sa concision, est un livre très instructif et rempli d'enseignements et de bénéfices. Il a donc abordé cette fois-ci une ambiguïté. Et le but, c'est de lever l'ambiguïté que Satan a introduite dans l'esprit des gens consistant à renoncer à l'étude du Coran et de la Sunna et à agir en conséquence pour se conformer aux diverses opinions et aux passions qui sont source de division. Donc, le but de cette ambiguïté-là, c'est ça, c'est de fait de détourner les gens du Coran et de la Sunna afin de les mener vers les diverses opinions et les passions qui toutes sont source de division. Par ce sixième fondement, l'auteur, il a voulu mettre en garde. Il a voulu mettre en garde contre cette ambiguïté qui n'est autre que la cause qui mène à l'égarement dans les différents domaines qu'il a abordés au préalable, c'est-à-dire dans les cinq premiers principes fondamentaux. Quand on récapitule, Inch'Allah, il a parlé dans un premier temps du tawhid et de son inverse, le shirk, donc le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer sincèrement le culte à Allah et son inverse, le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah en plus que d'adorer Allah. Deuxièmement, il avait abordé l'union qui doit être sur la vérité et il avait mis en garde contre son inverse, c'est-à-dire la division blâmable. Troisièmement, il avait insisté sur l'obligation de l'écoute et de l'obéissance qui sont dues au gouverneur musulman en mettant en garde contre le fait de s'abstenir de leur obéir. Quatrièmement, il avait parlé du fiqh et des savants spécialistes en matière de fiqh et il avait mis en garde contre ceux qui se font passer pour des savants du fiqh sans en faire partie. Cinquièmement, il avait parlé des alliés d'Allah, al-awliya, et on avait eu l'occasion de voir à travers les textes du Coran que l'auteur avait mentionné que on peut résumer les caractéristiques des alliés d'Allah dans deux choses, la foi et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah n'ont pas à craindre de peur ni de tristesse. Ceux qui avaient la foi et qui craignaient Allah. Et ici donc, l'auteur, il est en train de lever une ambiguïté, de réfuter une ambiguïté qui est la cause de l'égarement de bon nombre de gens dans ces différents principes fondamentaux qu'il a abordés au préalable. On voit donc le caractère judicieux d'achever ce livre par la réponse à cette ambiguïté. Avant d'aborder cette ambiguïté, il est peut-être opportun de savoir ce que c'est qu'une ambiguïté. Et justement, le Shir qui a édité le commentaire du Shir Ahmed ibn Yahya al-Najmi, il a abordé cela dans les annotations qu'il a apposées à ce livre. Et ce, en disant l'ambiguïté ou confusion, c'est-à-dire Shubha. Quand on dit Shubha, c'est une ambiguïté. Comme l'indique Al-Durjani dans son livre intitulé Al-Ta'rifat, c'est-à-dire les définitions, c'est à l'origine ce à propos de quoi on a de la difficulté à statuer de son caractère licite ou illicite, avec certitude. Toutefois, ici, le terme signifie présenter le faux sous l'apparence du vrai. Donc la Shubha, bien souvent, ça signifie quoi? Ça signifie le fait de présenter le faux sous la forme du vrai. D'ailleurs, le Shin, le Ba et le Ha, en arabe, ça met en avant une notion de ressemblance. C'est-à-dire la Shubha, c'est quoi? C'est du faux, de l'égarement, qui a une part de vrai en lui. Et cette part de vrai, en vérité, elle est utilisée par le diable pour faire que les gens vont accepter ce faux à cause de la part infime de vrai qu'il contient. D'ailleurs, c'est l'excuse de tous ceux qui parmi les hommes et les djinns démoniaques s'attachent au faux. En effet, les péchés proviennent soit des passions, shahawat, soit d'une shubha, une ambiguïté. Les premiers consistent à commettre des actes illicites dont l'interdiction est nécessairement connue des musulmans, comme l'interdiction de la consommation d'alcool, la fornication, la sodomie, négliger la prière, ou d'autres péchés de ce genre, à propos desquels Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions, ils se trouveront en perdition, sauf ceux qui se repentent, qui croient et font le bien, ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien, comme vous le trouvez dans Sourate Maryam, les versets 59 et 60. » Ça donc, ça concerne ce qu'on appelle « shahawat », les passions trompeuses, qui sont relatives à ce que nous venons de mentionner. Quant au second type de péché, ceux provenant d'une confusion ou d'une ambiguïté, c'est « shubha », ce sont ceux dans lesquels les ennemis de l'islam font tomber certains musulmans. Ces ennemis leur embellissent par des paroles trompeuses et ambiguës, leurs innovations religieuses, leurs actes de mécréance et d'autres péchés moins graves afin qu'ils répondent à leur appel et les suivent dans leur égarement. Pour preuve de cette confusion que les ennemis de l'islam ont jetée dans l'esprit de certains musulmans et contre laquelle il convient de les mettre en garde, ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par Abu Daoud, dont c'est la version, dans ses Sunan. D'après le récit de Imran ibn Hussein, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui entend parler du faux messie, c'est-à-dire le messie Dajjal, s'éloigne de lui, car par Allah, les hommes le suivront en pensant que c'est un croyant, compte tenu de la capacité à faire passer le faux pour le vrai, avec lequel il sera envoyé. Ici, donc, c'est la traduction qu'a proposé le frère traducteur, jazahullahu khayra, et il paraîtrait que la traduction qui soit la plus fidèle serait de dire « Celui qui entend parler de la sortie du Dajjal, qu'il s'en éloigne autant qu'il peut. Car l'homme se présentera à lui en pensant qu'il est croyant. » C'est-à-dire en pensant lui-même, l'homme, il estime qu'il est croyant. Et il a une certaine confiance en sa propre personne. Mais peu de temps s'écoulera avant qu'il se mette à le suivre à cause de ce qu'il verra comme ambiguïté qui vont se manifester de là auprès de du Dajjal. Donc il paraîtrait que dans ce hadith, ce qui est voulu, c'est que cet homme-là qui va se présenter au Dajjal, il va se présenter à lui en pensant de lui-même, et non pas du Dajjal, en pensant de lui-même qu'il est croyant, en ayant une certaine confiance en lui, et il ne va cesser de voir se manifester chez le faux messie, Dajjal, des miracles et des choses qui sortent de l'ordinaire, et il ne va cesser de voir se manifester des ambiguïtés chez ce faux messie jusqu'à ce qu'il ne suive. Ici, il est opportun de citer une parole de l'imam Ibn Battah, rahimahullahu ta'ala, qui est un des grands imams de cette communauté qui a vécu au 4e siècle de l'Hégire. Il a dit en commentaire de ce hadith, dans son livre Al-Ibana Al-Kubra, il a dit, ceci est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il est le véridique et digne de confiance. Donc Allah, ô musulmans, que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de sa propre personne et de la connaissance qu'il a de la voie qu'il suit, ne le mène pas à mettre en danger sa religion, en s'asseyant avec certaines personnes parmi les adeptes des passions, en disant qu'il ne les côtoie qu'afin de débattre avec eux, ou afin de déceler réellement la voie sur laquelle ils sont, car la tentation de ces gens-là est encore plus prononcée que celle du Dajjal. Et les propos qu'ils tiennent sont encore plus collants que la gale, est plus brûlant pour les cœurs que la flamme. Et Ibn Battah de continuer en disant, et j'ai pu voir, sois attentif ici à cette parole de la part de l'imam Ibn Battah, rahimahullah, Et j'ai pu voir des gens les maudire, c'est-à-dire maudire ces innovateurs, maudire ces adeptes des passions et des innovations trompeuses. Et j'ai pu voir des gens les maudire et les insulter. Puis ils se sont mis à s'asseoir avec eux, afin de les blâmer et de les réfuter. Ils ne sont pas assis avec eux, ils n'ont pas commencé à les côtoyer, parce qu'ils étaient d'accord avec eux, non. Ils ont fait cela, afin de les blâmer et de les réfuter. Puis les faux semblants, le zèle et la ruse cachée de ces gens-là, ajoutés à la mécréance subtile et pernicieuse, les a fait à terme pencher vers eux. Les a fait à terme pencher vers eux. Donc, rends-toi compte de la dangerosité du fait de côtoyer ces gens-là, même si à la base, c'est pour les blâmer et pour les réfuter. Et il faut savoir que l'intérêt pour la personne novice en matière de religion, et même pour certaines personnes plus expérimentées et plus anciennes, c'est de se préserver avant tout, avant même de chercher à débattre avec ces gens-là. Et le fait de chercher à débattre avec ces gens-là doit être accompagné de conditions. Et la personne qui s'aventure à faire cette chose-là doit être savante et doit être fermement enracinée dans la science et avoir une connaissance détaillée de la vérité et également du faux dans lequel ces gens-là sont. Et le but doit être de faire apparaître la vérité. Et pas seulement le simple fait de débattre ou de polémiquer, comme on aura l'occasion de le voir en temps voulu, Inch'Allah. Le Shir Hassan, de continuer donc dans son annotation de la parole de l'auteur, en disant, exemple de cette volonté de faire passer le faux pour le vrai, cette opinion propagée par les ennemis de l'islam est réfutée dans ce sixième fondement, selon laquelle il faudrait renoncer à appliquer le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte que seul celui qui est capable d'un effort d'interprétation absolue, c'est-à-dire al-mujtahid al-mutlaq, est en mesure de connaître et de comprendre ces deux sources, c'est-à-dire le Coran et la sunna. Mais notre shir Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah le préserve, se chargera de réfuter cette fausse opinion, et Allah sait mieux que quiconque. Donc c'est ça l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est du faux qui a une apparence de vrai, qui a en lui une part infime de vrai. Et il est important de connaître cette chose-là et de connaître également quelle doit être la position du musulman face à ces ambiguïtés. Et nous avons pu lire ici cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Imran ibn Hussein. Nous avons pu lire également ces propos de l'imam ibn Battah. Et il y a de nombreuses paroles qui sont rapportées des pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salaf as-salih, qui mettent en garde contre le fait de prêter l'oreille aux adeptes des innovations et à ceux qui cherchent à véhiculer ces ambiguïtés-là. Il faut savoir que les salafs cherchaient avant tout à se préserver. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui, comme vous le savez, était l'élève du shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait que son enseignant, son professeur, le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, lui a donné un jour une recommandation très bénéfique et profitable. Il a dit, j'avais pour habitude de venir le voir et de lui soumettre certaines ambiguïtés que j'entendais à droite et à gauche. Un jour, il m'a dit, ne fais pas de ton cœur une éponge, mais fais plutôt de ton cœur un miroir. Les ambiguïtés s'y présentent et le miroir reflète ces ambiguïtés, mais jamais elles ne le pénètrent. Et ne sois pas comme l'éponge qui absorbe et qui ne cesse d'absorber et qui ensuite a du mal à rejeter ce qu'elle a absorbé. Donc le musulman, il doit agir ainsi. Et il doit se préserver. Et il ne doit pas faire de son cœur quelque chose qui serait similaire à une éponge. Il ne cesserait donc d'emmagasiner et de réunir dans son cœur les différentes ambiguïtés qu'il entend à droite et à gauche, et Allah sait qu'elles sont nombreuses. Et ensuite, il a du mal à s'en débarrasser. Mais il doit se protéger et faire de son cœur l'exemple d'un miroir. Les ambiguïtés s'y présentent, mais elles ne le pénètrent pas. Donc l'auteur a dit « lever l'ambiguïté ». Et il est important ici de connaître ce qu'est une ambiguïté. Lever l'ambiguïté que Satan a introduite dans l'esprit des gens, consistant à renoncer à l'étude du Coran et de la Sunna et à agir en conséquence pour se conformer aux diverses opinions et aux passions, source de division, sous prétexte que le Coran et la Sunna ne peuvent être connus que de celui qui est capable d'un effort d'interprétation absolu, al-mujtahid al-mutlaq, et qui possède telle et telle qualité qui ne se trouve même pas de façon parfaite chez Abu Bakr ou Omar. Ces qualités-là, qu'on va aborder, elles ne sont pas présentes de manière complète chez Abu Bakr et Omar, et elles ne sont pas présentes, ne serait-ce que de manière partielle, chez ces personnes qui véhiculent ce genre d'idées. Mais leur but, c'est uniquement de fermer ou d'obstruer le chemin de ceux qui souhaitent la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà vers le Coran et la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et selon eux, quiconque ne possède pas ces qualités doit obligatoirement, et ce sans aucun doute ni ambiguïté selon eux, se détourner de ces deux sources. Quant à celui qui cherche à être guidé à travers ces deux sources, il est considéré soit comme un hérétique, soit comme un fou, sous prétexte qu'elle serait trop difficile à comprendre. Pureté et louange à Allah. Pourtant, Allah a réfuté de diverses manières dans les textes scripturaires, c'est-à-dire dans les textes du Coran et de la Sunna, à travers ses décrets, dans sa création et par le biais de ses commandements, cette ambiguïté. Tu trouves dans les textes du Coran et de la Sunna, comme nous allons le voir, ce qui rend nul ce type d'ambiguïté-là. De même que tu t'en rends compte dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacune des générations qu'a connue cette communauté, il a fait vivre des savants qui ont expliqué les textes du Coran et de la Sunna. Et de tout temps, il y a eu des musulmans croyants qui ont eu la capacité de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté de diverses manières dans les textes scripturaires, à travers ses décrets, dans sa création et par le biais de ses commandements, cette ambiguïté maudite, au point qu'elle fait partie des choses que chaque musulman est tenu de connaître. C'est-à-dire, chaque musulman, il est tenu de savoir que la compréhension des textes du Coran et de la Sunna est tout à fait accessible. Pourtant, la plupart des gens ne la connaissent pas. Allah a dit « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, jusqu'à leur menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée, muqmahoun. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses, ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, et craint le tout miséricordieux dans l'intimité, annonce-lui un pardon, et une récompense généreuse, comme vous le trouvez dans Sourate Yassine, des versets 7 à 11. Ainsi s'achève cet ouvrage, jusqu'à donc la fin des propos de l'auteur. Le Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a expliqué ces propos de l'auteur, comme nous allons l'entendre à présent, incha'Allah ta'ala. En commentaire, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, dit, l'auteur affirme, le sixième fondement, lever l'ambiguïté que Satan a introduite dans l'esprit des gens, consistant à renoncer au Coran et à la Sunna pour se tourner vers les opinions diverses et variées et écouter ses passions, sous prétexte que le Coran et la Sunna ne peuvent être connus que de celui qui est capable d'un effort d'interprétation et qui possède telle et telle qualité qui ne se trouve même pas de façon parfaite chez Abu Bakr et Omar. Et selon eux, quiconque ne possède pas ces qualités doit obligatoirement se détourner de ces deux sources jusqu'à ce que doute et ambiguïté soient levés. Quant à celui qui cherche à être guidé à travers ces deux sources, il est considéré soit comme un zindiq, soit comme un fou, sous prétexte qu'elle serait trop difficile à comprendre. Par cette confusion, shubha, que Satan a introduit dans l'esprit des gens, il est parvenu à vider de leur sens le livre et la sunna et à empêcher totalement les gens de comprendre ces deux sources. Ainsi, il détourne les hommes du chemin d'Allah et renie le livre d'Allah, puisque le Très-Haut a dit « وَلَقَدَ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مِمُدَّكِرْ En vérité, nous avons rendu le Coran facile à méditer. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Non, donc ici, le Cheikh Ahmed, rahimahullah, il a mis en évidence l'objectif visé par le fait de soutenir ce genre d'ambiguïté. Et ce en disant, par cette confusion, par cette ambiguïté, shubha, que Satan a introduite dans l'esprit des gens, il est parvenu à vider de leur sens le livre et la sunna et à empêcher totalement les gens de comprendre ces deux sources. À partir du moment qu'il a réussi à faire comprendre ou à faire croire à certains que le Coran et la sunna, tu ne peux pas les comprendre, si ce n'est qu'en ayant atteint un degré que même Abu Bakr et Omar n'ont pas atteint, alors en vérité, ils ont réussi à les détourner des enseignements du Coran et de la Sunna afin de les égarer à leur guise, notamment dans les questions importantes qui ont précédé, c'est-à-dire ces fondements de la religion, tawhid, union sur la vérité, également l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman, et ainsi de suite, parmi les fondements que l'on a mentionné précédemment et qui font partie des grands fondements et des grandes lignes de cette religion. C'est pour ça que tu te rendras compte et que tu t'es certainement déjà rendu compte, étant donné que le Shir, à chaque fois qu'il a cité un principe fondamental, il a également mentionné son inverse. Quand il a parlé du Tawhid, il a mis en garde contre le Shirk. Quand il a parlé de l'union, il a mis en garde contre la division. Quand il a parlé de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur musulman, il a mis en garde contre le fait de ne pas leur obéir. Donc, une fois que ces gens-là ont été détournés de la vérité, eh bien, ces innovateurs ont réussi à les mener vers le faux. C'est pour ça que tu trouves toutes ces ambiguïtés en matière de tawhid et que tu trouves que des gens qui se réclament de l'islam en viennent à adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, également dans l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et attributs. Tu trouves que de nombreuses sectes se réclamant de l'islam se sont égarées, notamment à cause du fait de considérer que la compréhension des textes du Coran et de la Sunna n'est pas accessible, à tel point que certains d'entre eux en sont arrivés à dire que le fait de s'en tenir au côté apparent des textes et de la mécréance. Et ce genre de propos-là, tu les trouves écrits noir sur blanc par les têtes de l'égarement, qui disent sans honte que celui qui s'attache au côté apparent des textes du Coran et de la Sunna, eh bien, il est tombé dans la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, le Cheikh Ahmed, rahimahullah, il a mis en avant l'objectif visé par le fait de véhiculer ce genre d'ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il a rendu le Coran facile à méditer, en soulignant cette facilité par l'expression « en vérité ». Pourtant, ces gens prétendent que la compréhension du Coran de la Sunnah est impossible, sauf pour Al-Mujtahid Al-Mutlaq, qui selon eux, doit répondre aux conditions suivantes. Donc Al-Mujtahid Al-Mutlaq, c'est un savant qui est capable de faire un effort d'interprétation absolue en matière de religion. C'est-à-dire c'est le plus haut degré dans Al-Ijtihad. Et selon eux, il doit répondre aux conditions suivantes. La première, avoir appris par cœur au moins 100 000 hadiths. La deuxième, avoir mémorisé entièrement le Coran et les exégèses. La troisième, avoir appris les opinions des fuqaha, accompagnées de leurs preuves, etc. Or, toutes ces conditions contredisent les paroles d'Allah, qui affirme avoir rendu son livre facile à réciter, à comprendre et à apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bil bayyinati wa zubur » وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux et afin qu'ils réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala affirme donc qu'il a révélé le Coran à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin que celui-ci l'expose clairement aux hommes par ses paroles, ses actes et par l'établissement de sa loi, qui est une interprétation du Coran. Ici, donc, une interprétation, le terme qui serait plus approprié au propos de l'auteur serait de dire une mise en pratique concrète du Coran, plutôt qu'une interprétation. Le terme utilisé, c'est le terme tarjama, qui littéralement veut dire traduction, et le sens voulu par le shir, wallahu a'lam, ce serait donc une mise en pratique concrète du Coran. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il ordonné une chose impossible ? Oh que non ! À Allah ne plaise, il est impossible d'obéir à tous ses ordres. Il est possible. Il est possible, Afwan. Il est possible d'obéir à tous ses ordres. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hada bayanun linnasi wa hudan » Hada bayanun linnas. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin. Voilà un exposé clair pour les gens, un guide et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Donc comment peut-il être à la fois un exposé clair et impossible à comprendre ? Mais ce n'est là qu'un mensonge, forgé de toutes pièces, par lequel Satan veut empêcher les esprits de méditer le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا » En vérité, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin qu'ils réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. En vérité, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran, autrement dit, nous l'avons présenté clairement et sous diverses formes, sous la forme de règles, ahkam, de commandements, d'interdits, de récits d'événements passés, de prophéties, d'exhortations, de descriptions du paradis, de l'enfer, des croyants, des mécréants, des hypocrites, du sort qu'Allah réserve aux uns et aux autres. Tout ceci est contenu dans le Coran, ajouté à ses noms les plus beaux et ses attributs les plus hauts, dont il nous a informé ainsi que de sa perfection, que nul esprit ne peut se représenter. Qu'il soit glorifié, que ses attributs soient exaltés et ses noms sanctifiés, ou alors le Coran n'a-t-il été révélé que pour être récité lors des funérailles, et non pour servir de loi et de bonne direction, et être l'une des sources des règles religieuses, ahkam. Donc ici, le Cheikh Ahmed, rahimahullah, il a développé sa réfutation de ce genre de propos qui soutiennent qu'en vérité, la compréhension des textes du Coran et de la Sunna n'est envisageable que pour quelqu'un qui aurait atteint le stade de Mujtahid al-Mutlaq, de Mujtahid Mutlaq, qui serait donc un savant capable d'un effort d'interprétation absolue. Et il est intéressant ici de définir ce qu'est Al-Ijtihad. Al-Ijtihad, c'est le fait de fournir un effort afin d'arriver à la connaissance du jugement religieux d'une chose. Al-Ijtihad, c'est le fait de fournir un effort afin d'arriver à la connaissance du jugement religieux d'une chose. Et il faut savoir que l'ijtihad, il concerne certains domaines de la religion, mais qui n'en concerne pas d'autres. C'est-à-dire n'est pas concerné par ce qu'on appelle l'ijtihad et qu'on vient de définir ici, tout ce qui a trait à la croyance, yani cet effort de réflexion, cet effort d'interprétation, cet effort de compréhension, il ne concerne pas la croyance. Il ne concerne pas non plus, et c'est là un deuxième point, les questions sujettes à unanimité de la part des ulama de la communauté. C'est-à-dire les questions qui sont en matière à consensus, à l'ijma, c'est-à-dire lorsque les savants sont unanimes sur une question donnée. Il n'y a plus de place pour l'ijtihad. Et également, ça ne concerne pas les questions qui bénéficient de textes explicites qui ne laissent pas place à diverses interprétations. Étant donné qu'il y a une règle qui est connue chez les ulama, c'est « la ijtihad ma'an nas ». Il n'y a pas d'ijtihad en présence d'un texte explicite qui ne laisse pas place à diverses interprétations. Donc, on sait maintenant ce qu'est l'ijtihad. On sait également quels domaines sont concernés par l'ijtihad. Et il est important de connaître aussi que les ulama concernant l'ijtihad, ils ne sont pas tous au même niveau. Le plus haut des degrés de l'ijtihad, c'est celui d'al mujtahid al mutlaq, comme on l'a dit précédemment. Il faut savoir que de manière générale, le mujtahid, il doit répondre à plusieurs conditions. C'est important de les connaître, étant donné que, comme l'a dit le shir Ahmed rahimahullah, ces gens-là qui tiennent ce genre de propos et qui véhiculent ce genre d'ambiguïté et qui prétendent que seul un mujtahid mutlaq a la possibilité de comprendre les textes du Coran et de la Sunna, ils définissent le mujtahid mutlaq comme étant quelqu'un qui a appris par cœur au moins 100 000 hadiths, qui a mémorisé non pas le Coran, mais en plus d'avoir mémorisé le Coran, il a mémorisé l'ensemble des exégèses, c'est-à-dire des explications du Coran, et qui a également appris les opinions des fuqaha, accompagnées de leurs preuves. Et tu te rendras compte de l'impossibilité de réunir ces conditions-là, lorsque tu connaîtras notamment le grand nombre de hadiths, qu'eux-mêmes ils ont cités, et également le grand nombre d'opinions qu'ont pu avoir les fuqaha. Donc parmi les conditions qui ont été mentionnées par les ulama, il y a que le mujtahid, il doit avoir une certaine connaissance des textes, de manière générale, en particulier concernant les textes qui font mention des règles religieuses. Deuxièmement, il faut qu'il ait une certaine connaissance des questions sujettes à consensus et celles qui sont matières à divergence, afin de ne pas se prononcer dans une question sujette à consensus de manière opposée à ce consensus. Également, parmi ces conditions, il y a qu'il doit avoir une certaine connaissance de la science de l'abrogeant et de l'abrogé. C'est-à-dire, comme vous le savez, il y a des textes dans le Coran et la Sunna qui en abrogent certains autres. Certains textes qui ont été révélés au début de l'islam ont été abrogés par d'autres textes qui sont venus par la suite. Il est important de connaître ce qui est abrogé et de connaître ce qu'il a abrogé afin de ne pas baser un avis religieux sur quelque chose qui a été abrogé. Et ici, il est important d'insister sur le fait que lorsqu'on parle du fait d'avoir une connaissance de la science de l'abrogeant et de l'abrogé, ce n'est pas juste le fait d'en connaître certaines bases, de savoir ce que signifie l'abrogeant et l'abrogé, et de connaître certaines règles. Ce qui est visé ici, c'est le fait de connaître concrètement les textes qui sont abrogés et les textes qui les ont abrogés. J'insiste sur ça car certaines personnes te disent j'ai étudié la science de l'abrogeant et de l'abrogé lorsque j'ai lu lors de mes nombreuses lectures et lorsque j'ai assisté à certains cours avec certains chirs. Non, ce qui est voulu ici, c'est une réelle connaissance de l'abrogeant et de l'abrogé. Ce n'est pas juste le fait de connaître les fondements de cette science qui, soulignons-le, est une science à la base à part entière. Auparavant, les savants considéraient cette science comme étant une science à part entière. Puis, ils ont inclus cette science-là dans la science notamment du tafsir, l'explication du Coran, et dans la science du hadith, notamment, également celle du fiqh. Également, parmi les conditions, il faut que ce mujtahid ait une certaine connaissance des fondements de la science du hadith, étant donné que cette science-là, elle va lui permettre de distinguer dans les textes de la sunna ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et également qu'il ait une certaine connaissance des fondements du fiqh. Car une fois qu'il aura distingué ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, mais il faudra qu'il ait la capacité de déduire les règles religieuses des textes authentiques de la sunna, en plus des textes contenus dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également qu'il ait un minimum de connaissances en matière de langue arabe. Donc le domaine de l'ijtihad, ce n'est pas un domaine qui est ouvert à tout le monde. Mais ce n'est pas non plus un domaine qui en arrive à ce que ces gens ont pu dire. Et, de manière générale, il faut savoir que cela n'empêche pas la personne douée de raison, qui comprend la langue dans laquelle a été révélé le Coran et la Sunna, de comprendre l'essence de leur texte. Et le shir donc, il a cité certains textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font état du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé clairement aux hommes le rappel afin qu'ils réfléchissent. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux et afin qu'ils réfléchissent. Il a également dit سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Voilà un exposé clair pour les gens, un guide et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Le Cheikh Ahmed de dire, comment donc peut-il être à la fois un exposé clair et impossible à comprendre? Ça reviendrait donc à considérer qu'il y ait des contradictions dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah soit exalté bien au-dessus de ce que ces gens-là peuvent insinuer. Et il a également dit Jalla jalalu wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'an liyadhakkaru. En vérité, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin qu'ils réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Et le shir ensuite d'exposer de manière résumée les différents enseignements que contient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce en disant autrement dit, nous l'avons présenté clairement et sous diverses formes. Sous la forme de règles religieuses, de commandements, d'interdits, de récits d'événements passés, de prophéties, d'exhortations. Donc ces récits qui ont été relatés afin qu'on en retienne les enseignements à retenir. Également, Allah subhanahu wa ta'ala fait état des prophéties passées. Et également, son livre contient des exhortations. Également, son livre contient la description du paradis, afin d'inciter les gens à chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La description de l'enfer, afin de dissuader ses créatures de lui désobéir, azza wa jal. Également, il y est fait mention des croyants, des mécréants, des hypocrites, afin que chacun connaisse les caractéristiques de chacune de ces catégories de personnes, qu'elles soient croyants, mécréants ou hypocrites, afin que chacun puisse savoir comment faire partie des croyants et comment s'écarter de la voie des criminels, parmi lesquels les mécréants et les hypocrites. Il a également fait état du sort qu'Allah réserve aux uns et aux autres. Tout ceci est contenu dans le Coran, ajouté à ses noms les plus beaux et ses attributs les plus hauts, dont il nous a informé ainsi que de sa perfection que nul esprit ne peut se représenter. Et c'est là une manière que doivent utiliser les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de le connaître. Comment connais-tu Allah subhanahu wa ta'ala? Tu le connais par ses noms les plus beaux et par ses attributs les plus hauts. Et tu le connais également par ses actes qui se manifestent, dont les effets se manifestent dans sa création, par ses signes et ses créatures. Tout cela donc est mentionné dans le Coran. Et le shir donc de continuer en disant: ou alors le Coran n'a-t-il été révélé que pour être récité lors des funérailles, et non pour servir de loi et de bonne direction, et être l'une des sources des règles religieuses? C'est cela en vérité le profond égarement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui, après avoir entendu ma parole, en a saisi le sens, puis l'a transmise à ceux qui ne l'ont pas entendu. Car il se peut que celui à qui ma parole est transmise la comprenne mieux que celui qui l'a entendue de ma bouche. Et dans une autre version: qu'Allah comble un homme qui, après avoir entendu ma parole, en a saisi le sens puis l'a transmise à ceux qui ne l'ont pas entendu. Car il se peut que celui qui détient un savoir ne le comprenne pas et qu'il le transmette à quelqu'un plus à même de le comprendre que lui. Par ailleurs, le prophète... Essayez de faire de la place ici à l'entrée, que s'il y a des anciens qui viennent, qu'ils aient de la place pour faire... Non, ici donc, le shir a dit dans une autre version: qu'Allah comble un homme qui, après avoir entendu ma parole, en a saisi le sens puis l'a transmise à ceux qui ne l'ont pas entendu. Ici, le sens du hadith, c'est plus qu'Allah fasse resplendir le visage d'un homme. Qu'Allah fasse resplendir le visage d'un homme qui, après avoir entendu ma parole, en a saisi le sens puis l'a transmise à ceux qui ne l'ont pas entendu. Car il se peut que celui qui détient un savoir ne le comprenne pas, et qu'il le transmette à quelqu'un plus à même de le comprendre que lui. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez bien, que les personnes présentes transmettent ce message aux absents, car il se peut que ces derniers le saisissent mieux que ceux qui l'ont entendu de ma bouche. Et il a dit: transmettez mes enseignements, ne serait-ce qu'un verset ou un hadith, et il n'y a pas de mal à rapporter les paroles des fils d'Israël. Mais quiconque m'attribue délibérément ce que je n'ai pas dit a d'ores et déjà mérité sa place en enfer. Par conséquent, l'ordre adressé par Allah et son messager de mémoriser le Coran et la Sunna doit-il être pris à la légère? De mémoriser et de transmettre. Apparemment, il y a un petit oubli ici. De mémoriser et de transmettre le Coran et la Sunna doit-il être pris à la légère? Si nous affirmons que l'étudiant en sciences religieuses ou le savant ne sont pas en mesure de saisir le sens du livre d'Allah et de la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, doit-on en conclure qu'Allah ordonne à ses serviteurs l'impossible lorsqu'il dit: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Les croyants n'ont pas à partir en campagne tous ensemble. Pourquoi quelques hommes de chaque clan ne viendraient-ils pas s'instruire de la religion pour à leur retour avertir les leurs afin qu'ils soient sur leur garde? Par cette shubha, Satan est parvenu à ses fins, puisqu'il a réussi à détourner les gens du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pire, il n'a pas trouvé de meilleur shubha pour détourner les savants de la loi d'Allah que certains renoncèrent à apprendre, à enseigner, de même qu'ils se gardèrent d'en déduire des statuts juridiques. Il y a ni des statuts juridiques, il y a ni des règles religieuses. Des règles religieuses. Au point qu'ils jugeaient quiconque cherchait à connaître les significations du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'efforçait d'en tirer des règles juridiques, comme un possédé ou un zindiq. Pire encore, Satan a suggéré à ceux qui portaient un tel jugement que chacun d'entre eux devait suivre aveuglément un imam, parmi les quatre imams. Les quatre imams des quatre écoles de fiqh, que sont l'imam Abu Hanifa, ainsi que l'imam Malik, ainsi que l'imam Shafi'i, et le quatrième, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Parmi les quatre imams des écoles de jurisprudence, madhhab, sans jamais contredire ses paroles, ses avis et ses efforts d'interprétation. Puis, s'ils adhéraient à l'un de ces madhhab, il ne lui est plus permis de dévier d'un iota de ses opinions et de se ranger à l'avis d'un autre que lui. Et s'il constatait que la preuve, Dalil, allait à l'encontre de l'opinion de son imam, il devait interpréter cette preuve de façon à la faire concorder avec l'avis de son imam. Et ce, car il prétendait que son imam était à l'abri de l'erreur et qu'il était inimaginable qu'il puisse se fourvoyer. Pire, il n'était pas loin d'affirmer clairement que leur imam était préservé de l'erreur, chacun étant persuadé que son imam était au-dessus de l'erreur et que son opinion était la bonne, quand bien même elle serait contredite par des preuves. Et si tu constates que son opinion va à l'encontre du dalil, disait-il, alors pose-toi des questions sur ta raison et ton opinion, et dis-toi que notre imam, dans ses avis, est préservé de l'erreur et du faux. Quelle tristesse, puisque cela a conduit les partisans de ces écoles à se diviser au point de former des groupes opposés et éprouvant de la haine les uns envers les autres. Pire, chaque école assure que les membres des autres écoles se sont égarés dans leur opinion ou dans certaines d'entre elles. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a blâmé personne parmi ceux qui sont capables de comprendre la langue et les règles juridiques pour ses efforts d'interprétation lorsqu'il a dit que personne n'effectue la prière de l'après-midi, al-asr, avant d'atteindre les bani Qurayda. Pourtant, certains compagnons, après un effort d'interprétation... Les bani Qurayda, c'est une tribu, comme il est marqué ici par le traducteur, une tribu juive de Médine. Pourtant, certains compagnons, après un effort d'interprétation, décidèrent de prier avant leur arrivée, considérant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait seulement voulu les inciter à s'y rendre rapidement. Donc, puisqu'ils avaient multiplié leurs efforts pour arriver à temps, mais que le moment de la prière de l'Asr était venu avant qu'ils n'atteignent les Bani Qurayda, ils se devaient d'accomplir cette prière à l'heure prescrite. A l'inverse, d'autres compagnons, s'en tenant strictement aux mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, différèrent la prière de l'Asr qu'ils accomplirent à leur arrivée chez les Bani Qurayda, mais après l'heure prescrite. Informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit de reproche à aucun d'entre eux et ne lança à personne parmi eux « Tu as eu tort, pureté à Allah. Pourquoi donc Allah nous a-t-il doté d'une raison? N'est-ce pas pour que nous réfléchissions grâce à elle, que nous méditions ces versets coraniques et ces signes cosmologiques? Telle est la raison pour laquelle Allah nous a doté d'un esprit. Bien plus, Allah a blâmé ceux qui ont un esprit, littéralement un cœur. » S'il avait laissé qui ont un cœur, ça aurait été également valable, voire préférable. Mais n'en usent pas pour comprendre, qui ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs, mais n'en usent pas pour comprendre. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont semblables aux bestiaux, ou plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et Allah Azza wa Jal dit: فهل عسيتم إن توليتم أي أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم Ne risquez-vous pas, si vous vous détournez, de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Voilà ce qu'Allah a maudit. Il les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne médite-t-il pas le Coran, ou leur cœur serait-il verrouillé? En conclusion, nous disons que le Coran et la Sunna sont remplis de réfutations à cette choubha. Mais que dire si les hommes de science, dont on pourrait attendre qu'ils s'emploient à réfuter eux aussi cette subha, en s'appuyant sur des preuves claires et authentiques tirées du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont justement ceux qui l'ont établi et ont déclaré la guerre à ceux qui osaient la réfuter, les traitant de zindir. Nous sommes Allah et à lui nous retournerons. Na'am, donc ici, le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il a terminé son commentaire de ce passage et par là même son commentaire de ce livret, à savoir Al-Usul al-Sitta, en continuant à répliquer à cette ambiguïté, en disant par cette ambiguïté, Satan est parvenu à ses fins, puisqu'il a réussi à détourner les gens du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le shir, rahimahullah, on a profité pour mettre en garde contre le suivi aveugle, al-taqlid al-a'ma, qui consiste à suivre un imam ou une école au détriment des textes du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas de mal à la base à ce qu'une personne, elle suive une école de fiqh. Elle suive par exemple l'école de l'imam Abu Hanifa, ou l'école de l'imam Malik, Ibn Anas, l'imam de Dal al-Hijra, ou qu'ils suivent par exemple l'école de l'imam Shafi'i, ou celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Et ce, afin d'apprendre le fiqh. Par contre, ce qui est blâmable, c'est que lorsque la preuve apparaît à la personne que la vie authentique et contraire à la vie soutenue par l'école, qu'il continue à suivre la vie de cette école-là. Cela est contraire aux enseignements coraniques, aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux enseignements des pieux prédécesseurs de cette communauté, et on peut même dire que c'est contraire aux enseignements de ces imams qu'ils prétendent de suivre, qui tous, autant qu'ils sont, blâmaient fermement le suivi aveugle. Et il a été rapporté de chacun de ces imams qu'ils ont fermement blâmé le fait de suivre aveuglément leurs avis au détriment des textes du Coran et de la Sunna. Certains donc, ils en sont arrivés à suivre aveuglément ces imams-là. Et ce, en considérant que leur imam est à l'abri de l'erreur, et qu'il est inimaginable qu'ils puissent se fourvoyer. Pire, ils n'étaient pas loin d'affirmer clairement que leurs imams étaient préservés de l'erreur, chacun étant persuadé que son imam était au-dessus de l'erreur et que son opinion était la bonne, quand bien même elle serait contredite par les preuves. Et si tu constates que son opinion va à l'encontre du Dalil, disait-il, alors pose-toi des questions sur ta raison et ton opinion, et dis-toi que notre imam, dans ses avis, est préservé de l'erreur et du faux. Donc, en d'autres termes, si tu te rends compte de manière claire et évidente que l'avis de l'imam, il est faux et qu'il est en contradiction avec la preuve, eh bien en vérité c'est que tu as un problème de ta compréhension. Et tu dois donc te remettre en question remettre en question ton intellect et ta compréhension. Tout ça basé sur ces introductions qui sont fausses. Et également, le Shir a mis en avant le fait que ces gens-là en arrivent à interpréter certains textes du Coran et de la Sunna afin qu'ils soient en accord avec les avis de leurs imams. Alors que leurs imams eux-mêmes, ils leur ont donné la solution. Si jamais vous trouvez un texte rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est en contradiction avec ce que j'ai dit, alors prenez mon avis et jetez-le contre le mur. Il ne t'a pas demandé de venir interpréter les textes du Coran et de la Sunna afin qu'ils soient en accord avec leurs avis, étant donné que leur objectif, c'était d'atteindre la vérité. Et que s'ils se sont trompés, ce n'est pas quelque chose de voulu, mais c'est qu'en vérité, ils se sont prononcés avec ce qu'ils avaient à leur disposition comme texte du Coran et de la Sunna. Et qu'il est possible que certains textes de la Sunna ne leur soient pas parvenus. Ou qu'il est possible que certains textes de la Sunna leur soient parvenus, mais qu'ils les considèrent comme étant faibles, alors qu'en vérité, ils étaient authentiques. Si jamais ton imam s'est trompé, alors il t'incombe de lui chercher une excuse. Mais ne va pas le suivre aveuglément au détriment des textes du Coran et de la Sunna. Donc ici, l'auteur, qui a été suivi donc par le commentateur, le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahumallah, a clairement réfuté cette ambiguïté qui consiste à considérer que les textes du Coran et de la Sunna ne sont pas compréhensibles, si ce n'est pour celui qui aurait atteint le stade de mujtahid mutlaq, et également donc le Cheikh Ahmed en a profité pour blâmer et pour réfuter le suivi aveugle. Et le suivi aveugle, il faut savoir que jusqu'à nos jours, il existe. Les gens qui ont été blâmés ici, critiqués et réfutés, ce genre de personnes existent encore. Et tu trouves même parmi les gens qui se réclament de la Sunna, certaines personnes qui, malheureusement, sont revenues alors qu'à la base, elles blâmaient le suivi aveugle, elles sont revenues vers ce suivi aveugle. Étant donné qu'elles en viennent à confronter certaines vérités évidentes à certaines paroles de certains savants, et ce, afin de contrecarrer la vérité et de la rejeter, qu'Allah nous en préserve. Le Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala, de clôturer et de conclure avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs, mais n'en usent pas pour comprendre. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont semblables aux bestiaux, ou plus égarés encore, tels sont les insouciants. Et Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne risquez-vous pas, si vous vous détournez, de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Voilà ce qu'Allah a maudit, il les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas le Coran, ou leur cœur serait-il verrouillé? En conclusion, nous disons que le Coran et la Sunna sont remplis de réfutations de cette ambiguïté. Mais que dire si les hommes de science, dont on pourrait attendre qu'ils s'emploient à réfuter eux aussi cette ambiguïté, en s'appuyant sur des preuves claires et authentiques tirées du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont justement ceux qui l'ont établi et ont déclaré la guerre à ceux qui osaient la réfuter, les traitant d'hérétiques. Et nous sommes à Allah et à lui, nous retournerons. Et c'est ainsi que se termine cette lecture du texte de l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, intitulé « Les six principes fondamentaux », ainsi que le commentaire qu'en a fait le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah leur fasse miséricorde, et qu'il fasse miséricorde à l'ensemble des ulama, ceux qui sont morts parmi eux, ainsi que les vivants, et qu'il préserve les vivants, et qu'il prolonge leur existence dans son obéissance, et on s'en tiendra à ça. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين